Bismillah, on va commencer Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وإن شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc on commence aujourd'hui donc la troisième partie, le troisième cours dans ce séminaire au sujet de la réalité des Khawarij, la réalité des Khawarij et les causes de leurs égarements. Et dans les cours d'hier, on a vu plusieurs points. On a vu plusieurs points parmi les caractéristiques des Khawarij. Et donc, on va juste faire un résumé de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date avant de continuer. Et on va énumérer certaines des caractéristiques de façon résumée. Donc, la première, une des choses qu'on a vu hier, c'était que une des façons par lesquelles ils arrivent à essayer d'attirer les gens à leur voie, c'est par le fait de prétendre appeler au bien et interdire le mal. Hein? Et ça, c'est une de leurs méthodes, et ils ont employé ça dans le passé, à l'époque des salafs, à l'époque des premiers musulmans, à l'époque yani, des sahaba et des tabi'in, quand ils voulaient égarer les gens au début, puis ils l'appliquent également encore aujourd'hui. Ils l'appliquent encore aujourd'hui. Parmi les caractéristiques, c'est qu'ils font le takfir des musulmans en se basant sur le fait que quand ils voient un musulman qui fait un grand péché, ils considèrent que ça c'est kufr, hein, puis ils le déclarent kafir pour avoir commis un péché. Alors que on sait très bien que quelqu'un qui commet un péché, selon Ahl Sunnati wal Jama'a, l'aqida des salaf, il ne devient pas kafir pour ça. À moins que ce qu'il ait commis rentre dans le shirk majeur ou le kufr majeur, alors dans ce cas-là, oui. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Parmi les expressions de takfir qu'ils utilisent, c'est de, soit qu'ils disent de quelqu'un qu'il est kafir ou qu'il est mulhid, hein, c'est-à-dire athée, ou ilmani. Des fois, ils ne vont pas dire kafir directement. Ils vont utiliser d'autres termes. Mais par ces termes-là, ils veulent faire le takfir quand même. Comme quand ils disent de quelqu'un qu'il est ilmani, c'est-à-dire qu'il est laïque, automatiquement, donc ils impliquent par cela que la personne en question est kafir. Ou quand ils disent qu'il est un amil, hein, comme un agent qui travaille pour le gouvernement, et donc ils vont dire, ah lui c'est un amil, mais ils veulent dire par là, kafir. Hein? Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Aussi, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils critiquent et qu'ils insultent les dirigeants. Et soit par des expressions de takfir, claires et explicites, ou bien par des expressions qui insinuent, hein, le takfir. Comme par exemple, ils vont dire, ils ne jugent pas selon la charia, ou ils combattent la religion, ou bien ils enferment les ulama, ils emprisonnent les ulama, ou bien ils chassent les combattants pour l'islam, les mujahidin, ou bien ils prennent les kuffars pour alliés. Hein, ils prennent l'Occident pour allier, ils prennent l'Amérique pour allier. Ils donnent des ennuis aux du'at, à ceux qui appellent à l'islam. Donc ça, c'est des manières par lesquelles ils attaquent, ils insultent, ils font le takfir des dirigeants. Également, ils insultent et ils critiquent les ulama. Ça, ça fait partie de leurs caractéristiques également. Donc, ils insultent et ils critiquent et ils font le takfir même des ulama. Et ils les dénigrent, ils les qualifient par des termes dénigrants pour essayer de les diminuer, de les rabaisser. Comme par exemple, ils vont dire des savants que ce sont des savants qui sont à la solde des dirigeants, ou bien des savants du palais, hein, ulama sultan, ulama al, yani ulama al qusur, hein, et ulama al karasi, les ulama de la chaise ou du trône, ou bien ulama al sou, les mauvais ulama, ou bien ils vont dire ulama al haid wa al nifas. C'est-à-dire des ulama qui font des fatwas que au sujet des menstrues et des écoulements des femmes pour les dénigrer. Ou bien ils vont dire que ce sont des ulama qui n'ont d'intérêt ou qui n'ont de tâche que de déterminer si on a vu le hilal ou non, ou qu'ils ne comprennent pas l'waqi'. C'est-à-dire l'actualité, la réalité, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Les ruses des mécréants, les complots, les théories des complots parfois, là, hein, ils ont tous des idées de complotisme. Alors ils imaginent que si les ulama, eux, ne sont pas au courant de ce qu'eux ont compris par rapport à les théories, différentes théories complotistes qui existent, alors, selon eux, les ulama, ils comprennent pas la réalité du monde. Hein, c'est des personnes, hein, ils vont dire des gens, ah, c'est des vieux, ils connaissent que le fiqh, ils connaissent pas la réalité du monde, et ainsi de suite. Donc, plein d'autres sobriquets insultants et dénigrants aussi. Et bien entendu, ils les appellent des kuffars aussi. Parmi leurs caractéristiques, c'est que ils essaient d'inciter d'attiser la haine dans le cœur de la population, dans le cœur des jeunes, contre les dirigeants. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils emploient des méthodes de cache le secret, et ils se cachent pour se rencontrer, pour propager leurs idées, puis essayer d'attirer des gens. Également, parfois, tu peux voir sur eux certaines caractéristiques de personnes qui, en apparence, sont très religieuses. Hein? On a parlé de ça hier. Ils portent la barbe, même par exemple l'homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'appelle Dhul Khuwaysira. Quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour critiquer sa façon de distribuer le butin, dans le hadith il y a une description de cet homme, hein, et le narrateur du hadith il mentionne qu'il était un homme avec un front proéminent, des yeux creux, qu'il avait une marque de prosternation prononcée, que c'est quelqu'un qui avait une barbe très fournie, hein, une grosse barbe, et que c'est quelqu'un qui avait le crâne rasé. Okay. Et parmi ces caractéristiques, donc ça démontre une personne qui en apparence est très, disons, religieuse. Et donc aussi que dans les hadiths, ils sont décrits comme étant des gens qui sont extrêmes dans l'adoration. Donc il ne faut pas se fier uniquement à l'apparence pour déterminer si une personne est sur la bonne voie, qu'il est réellement sur la sunna. Parce que des fois, ces choses-là peuvent être trompeuses. Aussi que parmi beaucoup d'entre eux sont des jeunes. La majorité d'entre eux, c'est des jeunes et ils n'ont pas beaucoup d'expérience ni de compréhension de la religion. Aussi, ils combattent les musulmans et ils délaissent les idolâtres et les gens qui adorent les idoles. Aussi, on a dit d'eux qu'ils ne sont pas des savants. Il n'y a pas de ulama parmi eux. Et qu'ils ne s'assoient pas auprès des ulama, justement parce qu'ils les considèrent comme étant des koufars ou bien des agents du gouvernement. Parmi leurs caractéristiques aussi, il y a le fait qu'ils font de la trahison et qu'ils brisent les ententes des dirigeants. Ils déforment le sens des textes. Ils les appliquent en dehors de leur contexte. Donc ça, c'est quelques-unes des caractéristiques à leur sujet. Donc, maintenant qu'on a revu un peu les points dont on a parlé hier, on va parler maintenant de certaines caractéristiques, de certains points par lesquels on peut distinguer ou déterminer que quelqu'un est sur le manhaj des Khawarij. Comment les salafs jugeaient d'une personne qu'elle est sur la voie des Khawarij, ou comment ils détectaient chez une personne des signes d'appartenance à la voie des Khawarij. Parce que des fois, tu vas voir que certaines personnes ont certaines caractéristiques, mais ils n'ont pas nécessairement toutes les caractéristiques réunies. Alors certaines personnes vont dire, non, on n'est pas des Khawarij parce qu'on n'a pas, par exemple, telle caractéristique. Donc ça c'est pour essayer de se défendre d'être sur la voie des Khawarij. Donc on va voir l'exemple, comment les Sahaba, eux, ils jugeaient dans ces affaires-là. Des exemples à ce sujet. Comme c'est rapporté selon Abu Uthman, l'histoire qui est connue à propos de Sabir ibn Asal. Et peut-être que vous connaissez Sabir ibn Asal. Donc on va parler de Sabir ibn Asal en premier comme exemple. Mais avant de rentrer dans l'exemple de Sabir ibn Asal directement, juste peut-être clarifier certains points en ce qui concerne les groupes qui existent à notre époque. Comme par exemple les frères musulmans qui ont beaucoup de caractéristiques des Khawarij et les groupes qui découlent de ce groupe-là, les frères musulmans, les groupes comme Al-Hijra wa Al-Takfir, les groupes comme Jama'atul Jihad, les groupes comme Al-Qaïda, les groupes comme Da'ish, des groupes comme Al-Sururiya aussi. Et Al-Sururiya en particulier, c'est important de mettre en garde contre eux parce que c'est des gens qui prétendent à la salafie parfois, et c'est des gens qui ont des références. Quand ils parlent, ils vont citer parfois le nom de certains ulama salafis. Donc parfois certains, quand ils les voient, l'apparence, ils portent le qamis, ils ont la barbe. Quand ils parlent, ils vont citer des noms de savants salafis comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani et des savants comme ça. Et quelqu'un qui voit ça peut être trompé par eux. Mais ils ont des caractéristiques avec les autres Ikhwan. Et quand on parle de Sururiya, des fois les gens disent, mais c'est quoi la Sururiya? Et Sururiya, c'est en fait, le nom lui-même vient d'un individu qui vivait en Arabie Saoudite auparavant, qui s'appelle Mohamed Zain Abidin Surur. Et c'est un homme d'origine syrienne qui vivait en Arabie et qui a grandi avec les Ikhwan. Donc lui, depuis l'âge de 10 ans, il était avec les Ikhwan, les frères musulmans. Puis, disons qu'arrivé à force d'avoir grandi en Arabie, puis d'avoir étudié des éléments de la aqida salafia avec les ulama et dans les écoles, hein, Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha, les questions de Aqida, l'asma al-Sifat, Tawhid al-Ibada. Il a compris qu'il y avait des problèmes avec certaines des positions des frères musulmans. Alors il a commencé à remettre en question certains points ou certains aspects de la voie des frères musulmans. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est qu'il a essayé de faire une voie intermédiaire entre la voie des salafs et la voie des ikhwan. Donc il a dit, on va accepter certains aspects de la croyance des salafs, la aqida, le tawhid, tawhid al-ibad, tawhid al-asma al-sifat. On va les prendre, mais on va garder les aspects qui ont rapport avec les aspects politiques, hein, et certaines questions qui ont rapport avec al-haraka, le mouvement des frères musulmans. Et donc, c'est pour cette raison que tu retrouves chez eux les caractéristiques des ikhwan au sujet de la politique. Donc, c'est des gens qui rentrent dans les élections, c'est des gens qui font le takfir des dirigeants, c'est des gens qui s'allient avec les innovateurs et des gens de bid'a, ils ne les critiquent pas. C'est des gens qui dénigrent des ulama. C'est un autre de leurs paradoxes. C'est que d'un côté, ils prétendent prendre de nos grands savants, salafis, mais par la suite, indirectement, ils les dénigrent et ils les insultent et ils les rabaissent. Hein? Donc, ils vont les critiquer en disant, par exemple, c'est-à-dire des fois, c'est des critiques indirectes, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ils vont dire, oui, Cheikh Ibn Baz, c'est un grand alim, c'est un grand savant, mais il ne comprend pas le waqir. Donc, quelqu'un qui n'est pas, attentif, il peut ne pas réaliser que, en fait, ces gens-là, ils ne veulent pas, en fait, dénigrer le cheikh ouvertement ou directement. Mais c'est une façon subtile de dire que, bon, on va prendre de lui dans certains aspects, comme le fiqh et certaines questions comme ça, mais quand c'est des questions qui ont rapport avec le djihad, des questions qui ont rapport avec... par exemple, la politique ou des questions comme ça, là, on ne va pas prendre d'eux. Hein? Et une autre des caractéristiques des sororiyas, c'est que justement, ils défendent et ils supportent les groupes qui font des attentats et qui utilisent la violence pour arriver à leurs objectifs politiques et autres. Donc, ça fait partie de leurs caractéristiques. Et à cause de ça, ils rejoignent les rangs des khawarij et des gens qui ont cette méthodologie-là. Donc, il faut faire attention à ces gens-là. Et on m'a même mentionné que, je sais qu'à Montréal, il y en avait beaucoup de sororiyas, en particulier à la mosquée Sunna à l'époque. Parmi les prêcheurs qui se référaient beaucoup à cette méthodologie-là, ou qui faisait partie de cette mouvance-là, il y avait beaucoup de chouyoukhs saoudiens, comme par exemple Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, et beaucoup d'autres, Bishr al-Bishr, Omar al-Bishr al-Bishr, Nasir al-Omar, et beaucoup d'autres, hein. Il y a aussi même d'autres qui sont pas nécessairement saoudiens et qui ont cette tendance-là. Et à notre époque aussi, il y a par exemple Mohamed Al-Arifi et des gens comme Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abu Ishaq Al-Hawaini, et les gens qui sont proches de ce groupe-là, d'accord, et qui ont des relations avec ces gens-là. Donc c'est pour cette raison que, en apparence, vous les voyez avec la barbe, le qamis et tout, ils sont en apparence, ils ont l'air salafis, mais ils ne sont pas salafis, d'accord? Donc faites attention à ces gens-là, et on m'a dit qu'à Québec, il y en avait des groupes de ces gens-là qui existent et qui faisaient la da'wa. Donc il faut faire attention, surtout dans les universités ou dans des choses comme ça, dans des endroits comme ça, ils sont actifs. Il y avait Hamza Chaoui qui était ici à Québec, qui fait partie des gens qui ont cette tendance là aussi. puis il y a d'autres aussi à Montréal comme ça, donc il ne faut pas se laisser impressionner ou tromper par la longueur ou la grosseur de la barbe d'une personne, puisque comme on a vu l'exemple des Khawarij à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhul Khuwaysira et ses semblables, ils avaient beaucoup de signes d'apparence de piété extérieure. Et une des manières pour les distinguer, ces sururiyas souvent, c'est si tu, par exemple, cites des savants salafis qui sont bien connus à notre époque, comme exemple, automatiquement tu vas voir que ça les dérange. Comme par exemple, Cheikh Rabi al-Madkhali. Ça, c'est leur ennemi numéro un. Parce que Cheikh Rabi al-Madkhali, il a écrit beaucoup de livres pour réfuter Sayyid Qutb, et les frères musulmans et les takfiriens. Alors eux, ils ont une allergie contre Cheikh Rabi al-Madkhali. Quand tu leur mentionnes Cheikh Rabi al-Madkhali, à la limite, ils commencent à avoir des boutons qui apparaissent sur leur visage. Non, j'exagère, mais c'est pour dire que ils ont une haine incommensurable de ce cheikh-là. Et également, parmi les mashaykhs et les ulama, Cheikh Ahmad al-Najmi et Cheikh Zayd al-Madkhali. Et parmi les mashaykhs également, Cheikh Mohammed bin Hadi, Cheikh Ubaid al-Jabiri, Cheikh Abdullah al-Bukhari. Donc ça, c'est parmi les mashaykhs et les ulama salafiyin que eux, ces gens-là, ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas entendre. Donc si vous voyez, quand vous parlez de ces ulama, eux, ils ne sont pas satisfaits ou ils ont une appréhension ou ils critiquent, ou bien qu'ils appellent les salafis qui retournent à ces ulama des madakhila ou des jamiya. Mohamed Aman al-Jami, ça c'est un autre parmi les ulama salafiyin, Mohamed Aman al-Jami. Donc il les appelle comme ça, soit des madakhila ou soit des jamiya. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est une des manières pour les distinguer ou pour les démasquer, ces gens-là. Citez-leur ces noms-là et voyez leur réaction par la suite, et vous voyez que ces gens-là, ils se démasquent d'eux-mêmes. Allah al-Musta'an. Donc pour donner des exemples par rapport à l'attitude des salafs envers des gens qui avaient des signes ou des caractéristiques des khawarij. L'exemple de Sabir ibn Asal. An Abi Uthman qala anna rajulan min bani Yarbu' yuqalu lahu Sabir ibn Asal sa'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an al-dhariyat wal-nazi'at wal-mursalat. Faqala lahu Umar da' an ra'sik فوضع عن رأسه فإذا له وفرة فقال عمر لو وجدتك محلوقا لضربت الذي ما بين عيناك. يعني شك الخليفة الراشد رضي الله عنه في صبيغ أنه من الخوارج لأنه شعر منه نوعا من التكلف والتعمق في الدين والسؤال عما لم يؤمر بالسؤال عنه ومعرفته. Donc l'exemple ici, c'est l'exemple de Sabir ibn Asal. Et Sabir ibn Asal, c'est un homme qui avait à l'époque de Omar ibn al-Khattab, pendant le khilafah de Omar, il commençait à poser des questions sur des versets ou des mots dans le Coran. Et il se promenait comme ça parmi les gens, puis il questionnait sur ces versets-là, comme Al-Dhariyat, Al-Nazi'at, Al-Mursalat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire Abba? Qu'est-ce que ça veut dire Mursalat? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Nazi'at? Des choses qui ne sont pas les choses des priorités dans la science. Et lui, il commençait par ces choses-là, puis il jetaient des shubuhat à tout le monde, hein, en les distrayant par ce genre de questions. Alors il est venu vers Omar ibn al-Khattab pour lui poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire al-Dhariyat? C'est quoi al-Nazi'at? C'est quoi al-Mursalat? Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, hein, montre-moi ta tête. Hein? Il lui a montré sa tête, il a vu qu'il avait des cheveux. Il avait des cheveux. Il a dit, si j'aurais trouvé ta tête rasée, j'aurais ordonné qu'on frappe ta tête. Qu'est-ce qu'il y a entre tes deux yeux? En voulant dire qu'il a eu un doute. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En voulant dire qu'il a eu un doute à son sujet en voyant les questions qu'il posait et comment il rentrait dans les détails. Il se chargeait de choses, de poser des questions sur des choses qui n'a pas été ordonné ou commandé de poser comme questions et qui ne sont pas des priorités dans la croyance et dans la compréhension de l'islam. Alors il a douté de lui que c'était quelqu'un qui faisait partie des Khawarij. Parce que ça, c'est une des caractéristiques des Khawarij, hein, de rentrer dans des détails et d'essayer de s'approfondir dans des questions de religion qui ne sont pas prioritaires. Et il dit ensuite, il dit, وقال ابن بطة كان الناس يقصدون إلى المدينة ليتفقهوا في الدين ويزدادوا بصيرة في إيمانهم لكن صبير ركز أسئلته عن متشابه القرآن مما لا يضر جهله ولا يعود عليه نفعه فلم يأمن عليه عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه وعليكم السلام ورحمة الله إلى أن قال لقد علم عمر بصفات الخوارج المارقة أنهم يمرقون من الدين وسيماهم التحليق كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفها وهي التحليق فلما لم يجدها أحسن تأديبه ولذلك قال له بالحرف الواحد لو وجدتك محلوقا لدربت الذي فيه عينيك. Donc il explique Ibn Battah, l'imam Ibn Battah, que les gens ils venaient à Médine pour étudier la science et apprendre la religion et pour augmenter en compréhension et en foi. Mais Sabir, quand lui est arrivé, il s'est concentré sur les choses équivoques, les versets dans le Coran qui peuvent avoir diverses interprétations et dont l'ignorance ne nuit pas. C'est-à-dire que si tu les ignores, ça ne va pas te faire un grand tort. Et si tu les connais, il n'y aura pas un grand bienfait de les connaître. Donc il n'a pas commencé par la compréhension du tawhid et la compréhension des principes de base de l'islam, hein, de la aqida et du fiqh. Non, lui il commence par al-mutashabih, les choses équivoques dans le Coran. Et il se préoccupait et il était distrait par ces choses-là de ce qui est plus important. Et il rentrait dans des questions et dans des choses que sa raison et sa compréhension ne pouvaient pas atteindre. Donc il risquait de s'égarer à cause de ça et son cœur de dévier. Et Omar, il a vu en ça des caractéristiques des Khawarij. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a vu en ça des caractéristiques des Khawarij qui sortent de la religion. Et donc il a voulu vérifier un des signes par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'on pouvait les reconnaître, et il a ordonné donc à Sabir décoiffer sa tête et de montrer sa tête. Donc quand il a vu qu'il a des cheveux, il a dit directement, si j'aurais vu que tu n'avais pas de cheveux, que tu étais rasé, j'aurais frapper ce qu'il y a entre tes deux yeux. Et il l'a quand même, il lui a quand même donné une bonne punition pour le comportement qu'il a eu. Hein. Il l'a pris pendant 3 jours et il l'a frappé avec des feuilles de palme, des roseaux de palmier. Il l'a fait frapper comme ça pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il réalise que là, s'il ça continuait comme ça, il risquait peut-être même d'y passer. Alors il a dit à Omar ibn al-Khattab, « Ya Omar, le djinn, le shaytan que j'avais dans ma tête, il est parti. Ça y est, je suis guéri. » Alors Omar ibn al-Khattab, il l'a exilé dans une autre ville. Alors il dit, « وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ صَبِيرًا قَدْ انْتَفَعَ بِتَأْدِيبِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ المحدث الملهم رضي الله عنه فلما خرجت المارقة في عهد علي قيل لصبيغ إن قوما خرجوا يقولون كذا وكذا فقال هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. C'est rapporté que Sabir, il a bien profité de cette correction qu'il a reçue de cet homme pieux, le Khalifa Rashid Omar ibn al-Khattab. Lorsque les Khawarij à l'époque de Ali sont sortis par la suite, ils sont venus voir Sabir. Ils lui ont dit, ton temps est venu pour avoir ta vengeance maintenant. Sors avec nous. Et il leur a dit, jamais de la vie. La correction que j'ai reçue de cet homme pieux a été suffisante pour moi comme exhortation. Donc il n'est pas sorti avec les Khawarij. Et même qu'on dit, d'après ce qui a été rapporté, qu'il n'est pas mort avant d'être parmi un des ulama, un d'entre les ulama de la région. C'est-à-dire qu'il a étudié, il a compris par la suite l'importance de la science et qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour lui. Donc au lieu de s'attarder à des petites choses qui sont pas prioritaires dans la science, là, il s'est concentré sur les bases et il a vraiment profité de cette science-là. Et il parlait à personne et personne ne lui parlait. Parce que Omar avait ordonné de ne pas discuter avec lui, de ne pas parler avec lui. Rahimallahu al-Khalifa al-Rashid, Omar ibn al-Khattab, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faqad kana baban mani'an lil-fitan. Wa qala ibn Battal, qad sara sabir liman ba'dahu mathalan. وترضعة لمن نقر وألحف في السؤال. Parce qu'à l'époque de Omar, le prophète صلى الله عليه وسلم avait mentionné dans un hadith que Omar ibn Khattab, c'était la porte qui empêchait la fitna de rentrer. Et il a mentionné que cette porte, elle n'allait pas être ouverte, elle allait être cassée, elle allait être brisée. Et c'était pour désigner en fait le fait que Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a retenu ou empêché les fitanes de sortir. Mais qu'avec son assassinat, lorsqu'il a été tué par Abu Lu'lu'a al-Majusi, l'esclave perse qui l'avait assassiné, qui l'avait poignardé, eh bien ça avait brisé cette porte. Et une fois que Omar est mort, c'est là que les fitanes ont commencé. Donc, c'est pour dire que à l'époque de Omar, il n'y avait pas encore de bid'ah, mais pour montrer en même temps que Omar ibn al-Khattab, il était très attentif à toute chose qui pouvait amener une fitna ou une bid'ah, avant même qu'elle apparaisse clairement. Et quand il a vu Sabir, et il a vu sa façon d'agir, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et que c'est que ça. Ça peut sembler anodin, ça peut sembler innocent en apparence au début, mais que derrière ça, il y a quelque chose qui risque de dégénérer. Naam. Fadal. Est-ce que c'est comme c'est lui qui a fait couper l'arbre de ce que les gens ont fait le pacte à la Hudaybiyah? Je pense oui. C'est Omar, à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a ordonné que l'arbre, ou l'arbre sous lequel on avait fait la bay'a, les sahabes ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-aqaba, il a ordonné qu'il soit coupé, que cet arbre-là soit coupé. Pourquoi? Parce que les gens commençaient à venir à cet arbre-là chercher la baraka, commençaient à vénérer cet arbre ou prendre, retourner à cet arbre pour chercher une bénédiction ou des choses de ce genre. Alors il a ordonné qu'il soit détruit. Et donc il y en a des musulmans qui disent non, ça c'est nos, comment ils appellent ça? Ouais, c'est comme nos vestiges, c'est nos ouais, monument historique, mais il y a aussi un terme, même les chrétiens ils disent ça, comment je pourrais dire, c'est pas les, en tout cas j'ai oublié le mot, mais c'est comme si quelque chose qui, non, pas le patrimoine, c'est plus dans le sens une croyance religieuse qu'ils ont envers ces choses-là, c'est pas des... non mais c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. Ouais. Bon, donc il a tout de suite fermé la porte à cette fitna. Donc il n'y a pas de bid'a qui sont apparus à l'époque de Omar, d'accord. Et ça c'est une des raisons. Déjà même Sabir, qu'est-ce qu'il faisait, c'était pas encore, on pouvait pas encore dire que c'était une bid'a claire, mais c'était quelque chose qui risquait, si ça continuait, de devenir plus grave et peut-être d'amener à des bid'a. Donc il l'a stoppé directement. Et parmi les choses qu'on peut tirer de cet athar, parce qu'ils ont dit que Sabir est devenu comme une leçon pour ceux qui sont venus après lui. Les gens ont vu comment Omar a agi avec lui à cause des questions qu'il posait, et les gens par la suite ils se sont dit, ah, ça veut dire que d'agir comme ça c'est pas correct. Omar il a agi, ils ont pris une leçon de ça, donc ils se sont abstenus d'agir de cette manière. Et donc on voit que sa position s'est basée sur l'exemple de qu'est-ce que je disais à propos de la porte, que c'était la porte qui empêchait la fitna de rentrer chez les musulmans. Et ça c'était mentionné dans le hadith de Hudayfa, que Omar ibn al-Khattab c'était lui la porte entre les fitanes et les musulmans. Et ça fait partie des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait annoncé ça, que Omar allait être assassiné, puis qu'après les fitanes allaient commencer. Il dit وما كان عليه الخلفاء الراشدون من حماية جناب الدين والضرب على أيدي الزائرين. Donc les khulafa, ils protégeaient les limites de cette religion-là. Quand on dit les limites de cette religion, ça veut dire c'est pas seulement la bid'a qu'ils combattent ou le shirk apparent qu'ils combattent, mais tout ce qui peut amener à la bid'a et tout ce qui peut amener au shirk. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, comme on dit, des remparts de protection avant même que tu tombes dans le problème lui-même. Donc c'est comme de la prévention en même temps. C'est pas seulement de l'interdiction du fait, mais même d'interdire de façon préventive ce qui pourrait amener à tomber dans le problème lui-même, soit le shirk ou le kufr ou la bid'a. Et donc il a établi donc cette attitude de punir et de frapper les mains de ceux qui commençaient à démontrer des signes de déviation. Donc ça fait partie de la voie de nos salaf d'agir comme ça. Wa karahiyatu salafina al-ishtighal fi al-umur allati laysa wara'aha thamaratu 'amal wa ziyadatu iman. Donc nos salaf, ils n'aimaient pas qu'on se préoccupe ou qu'on s'occupe de choses derrière lesquelles il n'y avait pas un fruit dans la pratique ou dans l'augmentation de la foi, dans des choses concrètes. Comme ceux qui s'adonnent par exemple à des débats philosophiques sur des différentes choses, mais que ça n'amène pas à quelque chose de concret dans la foi ou dans la pratique. Donc ça n'a pas de valeur. Et les salafs, ils n'aimaient pas ça. وفيه رد على من يشترط التكفير بالكبيرة في إطلاق صفة الخارجية. Il y a ici une réfutation de ceux qui considèrent que c'est une condition pour dire de quelqu'un qu'il a les caractéristiques des khawarij qu'il déclare kafir, celui qui fait une kabira. Donc il y a quelqu'un qui va dire par exemple, ben moi je déclare pas kafir celui qui fait un grand péché. Donc je suis pas parmi les khawarij, hein. Mais les salafs, ils regardaient pas seulement ça. Ils regardaient d'autres signes aussi qui montraient des caractéristiques des khawarij et pas seulement celle-là. Parce que des fois les khawarij ils font le takfir par une kabira, mais de manière indirecte, que tu le vois pas directement, mais la conséquence amène à faire le takfir pour une kabira. D'accord? Comme par exemple le fait de déclarer kafir celui qui juge pas par la loi d'Allah, sans aucune restriction ou sans aucune condition. D'accord? Donc en apparence, tu vois que ce qu'ils prétendent, tu vois, c'est en principe, tu regardes ça, tu dis, ouais, bon, ils font takfir de celui qui juge par autre que la loi d'Allah. C'est pas nécessairement qu'ils font takfir de celui qui fait une kabira ou un grand péché. Sauf que dans la pratique, après, quand tu vois comment ils appliquent ce principe-là, c'est que même si c'est un kufr mineur que la personne fait, ou un shirk mineur, ils ne vont pas distinguer. Pour eux, shirk c'est shirk, kufr c'est kufr. Il n'y a pas de kufr akbar, kufr asghar, kufr shirk akbar, shirk asghar. Tout est akbar pour eux. Donc, si quelqu'un juge par autre que la religion en faisant un péché, alors automatiquement il considère ça comme il y en a un kufr, parce que tu as jugé par autre que la loi d'Allah. Donc automatiquement tu es sorti de la religion. Donc de cette façon-là, ils font le takfir par la kabira. Et on voit que dans cette narration, ils ont considéré le signe de at-tahliq, hein, le fait de raser la tête, ils ont utilisé ça comme signe pour désigner, en plus du fait de poser des questions sur des choses futiles, puis ou des choses pas futiles mais des choses secondaires ou des choses qui sont pas prioritaires. Un autre exemple de athar, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer aussi de cet athar? علامة معنوية وهو التنطع والتعمق في الدين والاشتغال بمتشابه القرآن. Ça c'est une des caractéristiques, le fait que les khawarij ils se concentrent sur le mutashabih. Et le verset 7 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc quand tu vois ce verset, ça veut dire c'est lui qui a fait descendre le livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont yani muhkamat, hein, et qui sont des versets qui sont sans équivoque et qui ne peuvent être interprétés que d'une seule façon. Nous ayatun muhkamat hunna ummul kitab, c'est elles qui sont la base du livre, hein, wa ukhra mutashabihat, et d'autres versets qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés de diverses manières. Et Allah dit à la suite de ce verset: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ, ceux dans le cœur desquels il y a une déviation, hein, une déviation ou quelque chose de dévié ou de détourné, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ils cherchent de façon exprès, hein, les versets qui peuvent prêter à des sens équivoques et qui peuvent avoir différentes significations. Ibtira al-fitna wa ibtira ta'wilihi, en cherchant la fitna, à faire des problèmes, de la discorde ou des problèmes ou autres, wa ibtira ta'wilihi, et en recherchant à l'interpréter et essayer de lui donner une signification qui va en accord avec leurs désirs et leurs passions. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, hein? Alors que c'est seulement Allah et ceux qui ont été enracinés dans la science, fermement enraciné dans la science qui le comprenne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a récité ce verset-là, et c'est dans le hadith rapporté par Aïcha dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ce verset-là, il a mentionné que c'était les khawarij, hein, que c'était ceux qui étaient mentionnés dans ce verset, ceux qui ont cette caractéristique-là, c'est les khawarij. Mais bien entendu, c'est pas seulement les khawarij qui ont cette caractéristique. On la retrouve chez tous les gens de bid'ah. Hein? Chez la plupart des gens de bid'ah, ils agissent de cette manière. Ils se concentrent sur qu'est-ce qui est mutashabih. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, si vous voyez ceux hein, qui débattent sur le livre, qui agissent de cette façon, alors prenez garde à leur sujet et faites attention à eux. فَحْذَرُوهُمْ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يعني يدخلون يتكلمون في في في في الدين فَحْذَرُوهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ عَنَ اللَّهِ فَحْذَرُوهُمْ. Donc quand tu vois leurs caractéristiques, tu prends garde après vis-à-vis de ces gens-là. Une autre caractéristique qui est une caractéristique concrète qu'on peut voir clairement, c'est le fait qu'il se rase la tête. Donc il dit يعني لا يعني ان من وجد محلوقا يتهم بعقيده الخوارج ولكنها قرينه يحكم فيها على الشخص بان في عقله لورثه الخوارج المارقه لوثه في عقله لوثة الخوارج المارقة وإذا انضم إليها قرائن أخرى تقوي جانب التهمة كالتعمق والتعنت في الدين. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas trouver quelqu'un qui s'est rasé la tête que tout de suite tu vas l'accuser d'être parmi les khawarij. Quelqu'un peut se raser la tête et il n'est pas khariji, d'accord, sauf que quand tu relis ça à d'autres indices, d'autres signes, comme par exemple le fait que la personne elle rentre dans des petits détails, puis elle cherche toujours les questions, elle est extrémiste dans des questions vraiment méticuleuses de la religion, puis elle exagère les choses, elle est trop extrémiste dans certains aspects. Ça, c'est une des caractéristiques des Khawarij. Alors, et si tu vois qu'elle s'occupe aussi d'essayer de chercher les versets équivoques, hein, et des choses de ce genre. Alors ça, c'est des indices quand ils sont réunis, ça indique qu'il y a un problème, que la personne pourrait faire partie des khawarij. أن الخوارج يقتلون مباشرة سواء كانوا منفردين أو أحدا. فإن عمر, donc il dit les khawarij directement, hein, qu'ils soient un groupe ou qu'ils soient des individus, il considérait que il fallait tout de suite les exécuter. Donc, on voit que Omar, il lui a dit, quand il a enlevé son chapeau, quand il a montré sa tête, il a dit, si j'aurais vu que tu avais le crâne rasé, je t'aurais frappé, parce que yani, les éléments réunis ensemble auraient indiqué qu'il y avait clairement un signe de déviation chez cette personne. منقبه لهذا الرجل صاحب هذه القصة إنه انتفع بدرة عمر وسيلان دمه. Donc il a profité de ce que Omar a fait, et il n'est pas sorti avec les Khawarij quand c'était la fitna par la suite. La deuxième exemple qu'on peut tirer de l'exemple des paroles des salaf à ce sujet-là, c'est la parole de Aïcha radiyallahu anha. An Mu'adha qalat sa'altu Aïcha radiyallahu anha فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في هذا الأثر مسائل. L'exemple du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'une femme parmi les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Mu'adha, ou bien c'est pas à l'époque du prophète, c'est probablement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que elle parle de Al-Haruriya, puis Al-Haruriya sont apparus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est venue voir Aïcha radiallahu anha, puis elle lui a posé une question. Elle lui a dit: pourquoi la femme, quand elle a ses règles, elle a ses menstruations, elle refait les jours de jeûne qu'elle a manqué, mais elle ne reprend pas la salade qu'elle a manqué, hein? Alors qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha directement? Elle lui a dit: est-ce que tu es une harouria, hein? Direct. Est-ce que tu fais partie des Khawarij? Est-ce que tu fais partie des Haruriyah? Pourquoi elle lui a posé cette question? Parce que les Haruriyah sont tellement extrémistes qu'ils imposent même à la femme de reprendre les prières manquées pendant leurs règles. Pas seulement de reprendre le jeûne. Alors quand Aïcha radiallahu anha avait entendu ça, elle a dit: toi t'es une Haruriyah ou quoi? T'es extrémiste, hein? Alors elle a dit: non, je ne suis pas une Haruriyah, hein? Mais je pose la question seulement. Et elle a répondu à Aïcha en disant: à l'époque, hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, on nous ordonnait de reprendre le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de refaire la salat qu'on a manqué. On peut tirer de cet athar, de cette parole de Aïcha radiallahu anha, beaucoup de points. Le premier point: إن وصف أم المؤمنين عائشة للسائلة بالحرورية لا يخرج عن الأسباب التالية: أنها شعرت في السائلة نوعا من التعمق والتكلف في السؤال فيما لا يستفيد منه المسلم، فإن المرأة المسلمة يكفيها في هذا الباب أن تتعبد لله بترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام دون الصلاة، وكان السلف يتشبهون في كل يشتبهون في كل من تعمق وتكلف أنه من الخوارج. ففي الإبانة لابن بطة أن ابن الكواء وهو من الخوارج الذين خرجوا على علي ثم عاد بعد ذلك إلى جادة الحق، سئل علي: ما السواد الذي في القمر؟ قال: إن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك؟ ذاك محو الليل. Donc on voit que la description de Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, en disant que de la femme qui est venue questionner est-ce qu'elle est haruriya, c'est pour les raisons suivantes. Pourquoi elle a posé cette question? Pourquoi elle a eu des doutes qu'elle faisait partie des khawarij, hein? C'est parce que elle a senti que la personne elle posait trop des questions trop détaillées, des choses qui montrent un certain extrémisme, exagération dans la religion, dans des choses qui ne sont pas bénéfiques pour le musulman. Parce que la femme, c'est connu que elle adore Allah, puis elle adore Allah par le fait de délaisser la salat et le jeûne quand elle a ses règles, et elle reprend le jeûne et ne reprend pas la salat. Et les salafs, quand ils voyaient quelqu'un qui posait trop de questions détaillées comme ça, ils voyaient que ça c'est des signes que quelqu'un, hein, il fait partie des khawarij. Et on voit l'exemple de ça, que Ibn Battah il a mentionné la question qu'il avait posée à Ali, un individu qui s'appelle Ibn al-Kawwa. Lui il faisait partie des khawarij, puis il était avec ceux qui s'étaient révoltés contre Ali, mais après il est revenu à la sunna, il est revenu à la vérité. Alors il avait posé une question à Ali et il lui a demandé: c'est quoi les points noirs ou les taches noires sur la lune, hein? Alors Ali radiallahu anhu lui a dit: ça c'est Allah, pourquoi tu demandes des choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi, hein? Donc c'est pour dire, il pose des questions comme ça sur des choses vraiment qui sont pas, qui ramènent aucun bienfait dans ta pratique religieuse de tous les jours, puis des questions trop détaillées sur des affaires futiles. Ça, c'est une des caractéristiques par lesquelles les salafs, ils voyaient des signes que quelqu'un fait partie des khawarij. Il dit « Wa anna min asbab tuhmat Aisha lissaila bi anna haruriya anna ba'd al khawarij kanu yulzimun al ha'id bis salati wa siyami fi hali haydiha wa ba'duhum yulzimuha bit tark walakin taqdi al salat » قال ابن رجب وقول عائشة حرورية أنت تعني أنت من أهل حرورة وهم الخوارج إنه قد قيل إن بعضهم كان يأمر بذلك وقيل إنها أرادت أن هذا الجنس تنطع الحرورية وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منه. Donc on voit ici que parmi les raisons pour lesquelles Aïcha a accusé cette femme ou a eu un doute qu'elle soit parmi les khawarij, c'est parce que les khawarij de l'époque, comme je disais tout à l'heure, ils imposaient à la femme de faire la salat parfois même quand elle a ses règles, hein? Et de faire le jeûne aussi quand elle a ses règles malgré qu'elle avait ses règles, subhanallah. Et d'autres, ils lui disaient de délaisser, c'est-à-dire de ne pas prier, mais ils lui ordonnaient de reprendre la prière manquée par la suite. Et Ibn Rajab, il mentionne ça justement, que les gens de Harura, c'est les Khawarij, et il y en a parmi eux qui ordonnaient ça. Donc, d'autres ulama ont dit aussi que c'est parce que quand ils entendent des questions trop extrémistes, ou trop exagérées comme ça dans la religion, ils considèrent que ça, c'est les signes que quelqu'un est dans la voie des Khawarij. Donc, on voit que, yani, il y a plusieurs choses qui sont utilisés par les salafs pour déterminer ou distinguer quelqu'un ou vérifier si la personne n'a pas des tendances des khawarij ou non, pas seulement ces aspects là. ومن الأسباب أيضا ولها ارتباط بالفقرة السابقة أن بعض الخوارج كانوا لا يعملون بالسنة وخاصة إذا خالفت ظاهر القرآن. Aussi parmi les raisons pour lesquelles elle a douté de ça, c'est, ou qu'elle a cru que peut-être qu'elle fait partie des Khawarij, c'est que certains parmi les Khawarij, ils n'acceptent pas la Sunna. Ils n'acceptent pas la Sunna. Hein? Comme l'exemple hier qu'on disait qu'ils font le takfir des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'ils sont au paradis. Si tu crois en la Sunna, c'est pas possible que tu fasses le takfir de quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est au paradis. Hein? C'est pas possible. Et donc, ça veut dire que les gens, ils rejettent la sunna. Et donc, quand ils voyaient quelqu'un qui rejette la sunna, qui ne voulait pas agir selon la sunna, hein, eh bien, il considérait que peut-être cette personne faisait partie des khawarij. Et comme par exemple, ici, Aïcha radiallahu anha, comment elle a répondu à cette femme? Elle lui a dit kunna, hein? Quand dans le passé, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait de faire ça, on ne nous ordonnait pas de refaire la prière, on nous ordonnait de refaire le jeûne qu'on a manqué, mais pas de refaire la salade. Donc ça veut dire que ça suffit. Elle ne lui a pas répondu par un verset du Coran. Hein? Elle ne lui a même pas répondu par une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a juste répondu par le fait que c'était ça qui était fait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça suffit. Pour dire que ça fait partie du Coran et de l'action des croyants, l'action des sahaba et de la sunna. Hein? Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si c'était fait à son époque, et qu'il a approuvé de ça, ça veut dire que c'était, hein, la religion de l'islam, que c'était ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est quelques points comme ça. Je ne vais pas citer plein d'exemples comme ça aussi, plusieurs autres exemples, mais c'était juste pour mentionner que les salafs, ils se basaient parfois sur plusieurs choses pour déterminer que quelqu'un a des caractéristiques des khawarij, et non seulement la question de qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Maintenant, combien de temps il reste? 15 minutes. Maintenant, on va juste pour vous mentionner, parce que il y a des caractéristiques des khawarij qui des premiers khawarij qui sont sortis à l'époque des sahaba, puis des caractéristiques de ces premiers khawarij, on les retrouve encore chez les khawarij d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup, des exemples comme ça. Dans le livre ici, il y en a 64 caractéristiques communes entre les premiers khawarij et les récents aujourd'hui. Et il mentionne même, le cheikh, les citations des paroles des khawarij contemporains, comme Al-Maqdisi et Abu Qatada et Ibn Abu Basir et d'autres parmi les khawarij contemporains, les groupes les gens qui font partie des groupes de djihadi et qui appellent qui légifèrent les assassinats, puis les attentats, puis tout ça, puis qui considèrent que ça c'est l'islam. Donc on voit ces corrélations, tu vois, les choses en commun entre les deux. Donc on va mentionner quelques exemples de ça, inshallah. Tayyib, donc pour terminer, disons, ce cours, on va mentionner quelques-unes de ces ressemblances entre les khawarij d'avant et les khawarij d'aujourd'hui avec des exemples. Et on va terminer le cours avec ça. Puis après la salat, les deux prochains cours, on va terminer avec des règles et des principes et des clarifications de certains points qui ont rapport avec certains aspects de ce qu'on a parlé, mais pour vous laisser avec quelque chose de plus structuré pour être capable de comprendre certaines shubuhat et comment les réfuter, inshallah. Donc parmi les exemples de ressemblance entre les khawarij d'avant et les khawarij d'aujourd'hui, donc inna ruknahum ar-rakin alladhi min ajlihi kharaja al-aslaf wal-mu'asirun wa tahta madallatihi كفروا العباد واستباحوا الدماء وهو الحكم بغير ما أنزل الله فهو أول كلمة نطقوا بها في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا لا حكم إلا لله وخوارج عصرنا هي مائدتهم التي يقتاتون منها وجل رسائلهم تنادي بتكفير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. Donc leur fondement principal pour lequel les premiers khawarij sont sortis contre les musulmans, les sahaba, c'est ils se sont basés là-dessus même pour rendre licite le sang des musulmans et pour déclarer kuffar les musulmans, c'est le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Puis c'est la première parole qu'ils ont dit à l'époque de Ali radiallahu anhu, le khalifa al-Rashid radiallahu anhu. Ils lui ont dit la hukma illa lillah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, le jugement n'appartient qu'à Allah, il n'y a pas de jugement excepté à Allah. Et quand Ali radiallahu anhu a entendu ça, il a dit kalimatu haq uridu biha batil, c'est-à-dire c'est une parole vraie, mais qui est dit avec une intention fausse, ou avec un objectif qui est contraire à la réalité. Ouais, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Parce qu'ils étaient en train d'accuser Ali de ne pas juger selon la charia d'Allah. Et les khawarij de notre époque, c'est ça aussi, c'est leur fondement, et ils se basent la plupart du temps sur ça pour faire le takfir des musulmans. Un autre exemple, المصارعة إلى التكفير فإن القوم أسهل شيء تنطق به ألسنتهم وتخطه أناملهم وهي الكلمة المكونة من حروف الكاف والألف والفاء والراء واتهموا الخليفة الراشد الرابع بكل سهولة بأنه كفر وخرج من الملة وهو خير أهل الأرض أنا ذاك. سبحان الله كيف أن التكفير عند القوم سلفا وخلفا أسهل من شرب الماء ولقد كفر سلفهم خير الأرض في زمنه بل ثبت بإسناد مثل الشمس أن محبته رضي الله عنه علامة على الإيمان وبغضه علامة على النفاق فكيف إذا كان الأمر لم يتوقف عند البغض وإنما الأمر أشد وهو التكفير. Donc l'exemple ici c'est que les gens sont rapides à faire le takfir et ils prononcent rapidement cette parole, ils disent facilement à quelqu'un qu'il est kafir. Et l'exemple du takfir qu'ils font de Ali radiallahu anhu à l'époque, comment ils ont fait le takfir de Ali, ça c'est un exemple. Donc les salafs d'avant et aujourd'hui c'est la même chose à ce sujet là donc comment ils ont pu faire le takfir de quelqu'un? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique à son sujet que de l'aimer c'est un signe de foi et de le détester c'est un signe d'hypocrisie. Hein? Alors que ça c'est de le détester, alors que dire de faire son takfir? Hein? C'est encore plus grave encore. Un autre exemple parmi les ressemblances qu'il y a, كثرت ورورهم في دماء أهل القبلة والتعطش الشديد لإراقة الدماء. Donc c'est pour dire parmi les caractéristiques, c'est que ils sont assoiffés de sang. Et en particulier, ils ont soif du sang des musulmans. Hein? Et ils veulent à tout prix faire couler le sang des musulmans. Il dit فإن الأثر والواقع دل على أن التكفير واستباحة الدماء سنوان ولا يفترقان أبدا. Donc ces deux choses là sont réunies, le fait de faire le takfir et le fait d'aimer le sang et de vouloir faire couler le sang et de rendre ça licite. Ça c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les khawarij d'avant et les khawarij d'aujourd'hui, comme l'exemple à l'époque. Hein, on a vu hier des exemples de ça chez les khawarij lorsqu'ils assassinaient les sahaba et comment ils planifiaient pour ça et comment ils voulaient tuer les musulmans. Et ils disaient il n'y a pas de jugement excepté le jugement d'Allah. Aujourd'hui c'est la même chose. Ils vont avec une voiture remplie d'explosifs et ils crient Allahu Akbar, puis ils se font exploser et ils tuent avec eux des dizaines et des centaines parfois de musulmans. Et donc on voit qu'ils sont parfois plus dangereux, les khawarij d'aujourd'hui, que les premiers. Parce que les premiers khawarij n'avaient pas tous les moyens pour faire de la destruction et pour faire du tort que les khawarij d'aujourd'hui possèdent. Hein? Ce qui fait que les khawarij d'aujourd'hui, les choses qu'ils font, c'est grave, yani. Les épées à l'époque des khawarij avant, des dizaines d'épées ne pouvaient pas faire ce qu'une seule personne parmi les khawarij aujourd'hui est capable de faire. Et donc, il dit wa inna awwal ma yatabadaru lidh-dhihn 'inda dhikri al-khawarij wa huwa at-takfir bil-kabira walakin tabayyana li min waqi' al-istiqra' wal-qira'ah anna al-muta'anniya li-usul al-khawarij wa af'alihim salafan wa khalafan أن أولى ما ينبغي أن يتبادر للذهن عند ذكر الخوارج هو التعطش الشديد لإراقة الدماء. Il dit que en général quand on pense aux khawarij, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est le fait de faire le takfir par les grands péchés. Mais il dit qu'est-ce qui est devenu clair pour moi d'après qu'est-ce qu'on lit des khawarij et tout, que parmi leurs fondements et leurs actions, la chose la première qui devrait venir à notre esprit quand on pense au khawarij, c'est la soif du sang, hein, et l'amour de vouloir faire couler le sang. C'est des gens qui aiment tuer et qui aiment faire couler le sang. Il dit وقال الطبري في حوادث سنة 68 إن الخوارج لما خرجوا من العراق فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. Il mentionne l'imam al-Tabari dans son livre à propos des événements de l'année 68, l'année 68 après la Hijra, que les Khawarij, quand ils sont sortis de l'Irak, ils se sont dirigés vers Al-Mada'in et ils ont commencé à tuer les femmes et les enfants. Et les femmes enceintes, ils leur ouvraient le ventre. Hein? Et ils faisaient des choses que personne d'autre que eux faisait. Donc ça, ça fait partie de leurs caractéristiques dans le passé et c'est leurs caractéristiques encore aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Également parmi leurs caractéristiques, اشتراكهم في استحلال دماء أهل الذمة فقد نقلت لنا بعض كتب الفرق في يعني بعض كتب الفرق أنهم يستحلون دماء أهل الذمة وهذه الفرقة تعرف بالأزارقة يعني وفي المسند قالت عائشة يا ابن شداد فقد قتلهم فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة الحديث. Donc parmi leurs caractéristiques qui les choses semblables entre les Khawarij d'avant et les Khawarij d'aujourd'hui, c'est que ils rendent licite le sang des juifs et des chrétiens et des gens qui sont sous la protection des musulmans dans les pays musulmans, hein, et ils se permettent de les tuer. Et ça, c'est qu'est-ce qui a été mentionné même dans certains livres à propos des sectes, qu'ils rendent licite le sang des gens de la dhimma, les juifs et les chrétiens qui sont sous la protection des musulmans. Et une des sectes en particulier parmi les Khawarij qu'on appelle Al-Azariqa, hein, ils faisaient ça en particulier. Et dans la Musnad, Aisha radiallahu anha, elle a dit: oh Ibn Shaddad, ils les ont tués. Et il a dit par Allah, hein, comme si elle dit, ils les ont tués. Et il dit par Allah, hein, ils n'ont pas envoyé personne vers eux, sauf qu'ils ont commencé déjà à faire du banditisme, hein, à faire des cambriolages sur les routes, à faire couler le sang, puis à rendre licite le sang des juifs et des chrétiens qui sont dans les pays musulmans. Et les Khawarij de notre époque, c'est la même chose. Ils considèrent que les juifs et les chrétiens qui sont dans les pays musulmans, hein, qui sont des juifs et des chrétiens en Égypte ou en Syrie ou ailleurs, eh ben que leur sang est halal et qu'ils ont le droit de les tuer. Hein. Et ça, on a vu des exemples de ça. Ils le font et ils l'ont fait dans plusieurs régions dans les pays musulmans, tuer des chrétiens, tuer des chrétiens et les assassiner sans aucune raison et sans aucune pitié, Allah al-Musta'an. Et quand ils font ça, ils ont trahi l'engagement et la protection des musulmans envers ces gens-là. Aussi, إسقاط العلماء وتشويه صورتهم عند الأتباع. Le fait qu'ils essaient de diminuer les ulama et de les rabaisser, de les faire tomber et de salir leur image devant les gens. Hier, quand on a mentionné l'exemple, comment certains d'entre eux ont essayé même d'assassiner les sahaba. Et il y en a certains même qui ont assassiné effectivement des sahaba comme Ali radiallahu anhu qui a été assassiné par Abdurrahman ibn Muljim et d'autres qu'on a mentionné aussi qui ont essayé d'assassiner Muawiyah et Amr ibn al-As et d'autres. Et on voit dans ces exemples-là que non, il ne faut pas se dire seulement « Ah, ils ont essayé d'assassiner des sahaba ». Ces sahaba-là sont des ulama en même temps de l'islam. C'est eux qui ont appris l'islam directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont des références parmi les sahaba pour la compréhension de l'islam. Donc si ils, non seulement ils dénigrent les sahaba, mais en même temps aussi ils dénigrent des grands savants de la religion, hein. Et donc ça, on voyait ça dans le passé chez les Khawarij de l'époque. Et on le constate aujourd'hui. Et à l'époque, quand, par exemple, Abdullah ibn Abbas était envoyé pour discuter avec eux, et ils ont dit, certains d'entre les Khawarij, quand Abdullah ibn Abbas est arrivé, ils ont dit non, il ne faut pas discuter avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des gens de Quraysh en disant que c'est un peuple disputeur. Hein? Inhum qawmun khasimun. Donc, comme si ce verset fait référence aux kuffar, aux mushrikin, et eux, ils appliquent ce verset à Abdullah ibn Abbas. Hein? En disant qu'il ne faut pas parler avec lui, il fait partie des gens de Quraysh. Allah al-musta'an. Et les Khawarij de notre époque, hein, il dit Amma al-Khawarij wa asrina fa inna lafzat al-murji'a takadu takunu wasfan mulaziman likulli alimin min ulama al-umma idha lam yuwafiquhum fi al-takfir. Donc, à notre époque, la même chose chez les Khawarij d'aujourd'hui. Depuis que tu n'es pas d'accord avec eux, ou un savant n'est pas d'accord avec eux, ils les considèrent c'est des murjias. Hein? Et les murjias, c'est une secte, parmi les sectes d'égarement, qui considère que les actions ne font pas partie de la foi. Et donc, que quelqu'un peut faire et dire n'importe quoi, et que ça ne fait pas diminuer sa foi, et que ça n'affecte pas sa foi. On sait que cette secte des murjias, c'est des gens qui disent la foi, elle est seulement dans le cœur. Hein, ou bien c'est juste dans le cœur, et qu'est-ce qui est prononcé par la langue, mais les actions n'entrent pas dans la foi. Donc c'est un groupe d'égarements, et eux ils essaient de qualifier les ulama de Ahl Sunnah, les ulama qui sont sur la voie des salafs, d'être des murji'a, hein, pour essayer de les dénigrer et pour essayer de les accuser d'innovation. Allah al-musta'an. Donc, si tu n'es pas d'accord avec la voix des Khawarij dans le takfir, ils t'accusent d'être un murji. Donc, on a juste mentionné 5 jusqu'à date. Il y en a 64 autres comme ça dans le livre. On n'a pas le temps, bien entendu, de toutes les faire, mais il y en a quand même. D'après ce qu'on vient de lire, je pense que ça, c'est suffisant pour avoir une bonne idée de ces questions-là. Et que les ressemblances sont frappantes et sont évidentes et claires. Et qu'il n'y a pas de doute que les Khawarij d'aujourd'hui sont sur la même voie que les Khawarij d'avant. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie de la journée. Puis on continuera, Inch'Allah, la suite. Inch'Allah, après la salat de Asr, bi'idhnillah. Avec un livre de Cheikh Suleyman Al-Ruhayli qui s'intitule Al-Usul Al-Sunniya Al-Bahiyya fi Kashf Shubah Ahl Al-Fitan Al-Ghawiyya. Donc les fondements sunnis pour dévoiler les ambiguïtés des gens de fitna déviante, des fitanes. Les viandes. Donc on va expliquer ça après les deux prochains cours. On va terminer ce séminaire avec des passages de ce livre qui est très très bénéfique, inshallah. Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.